33. Les trains d'aterrissage. Monsieur Bugatti Douty, Staujour Vuille Leader Mondial de Sist Mest Aterrissage de Freinage Aeronautiques. Les origines de cette activité remontent en 1920 avec Georges Messier, pionier de suspensions pneumatiques dont nous parlions propos de la voiture exposée CT. Georges Messier crea la Société Messier Automobile, avant de produire également du matériel d'aviation. Parmi les innovations les plus notables mises au point par Messier Bugatti Douty, citons l'introduction de la Cierters Auto-Resistance dans les années 50 et l'utilisation du carbone en remplacement de la Cier pour les freins. Dans les années 80, devant vous se trouvent les trains d'aterrissage de quatre avions de transport comercial renommés de Gauche Droite. On trouve les trains de la Caravelle du Concorde de l'Airbus A300 et, en fin, de l'Airbus A320. Vous arrivez au terme de ce parcours. Mais avant de quitter le hangar aeronautique, prenez un peu de hauteur en montant sur la mezzanine. Vous y verrez des drones. Et tout un ensemble de maquettes d'avions motorisés par Safran. Vous pourrez aussi jouer les pilotes de chasse en prenant place por du mirage.